Ok. Me dis pas que tu l'as pas mérité. Ce n'est pas pour rien que je vais te quitter. C'est à cause de ton impopularité. 5% de popularité plus 1%. 5% de baisse de popularité. 5% de baisse de popularité. 5% de baisse de popularité. 5% de baisse de popularité. La côte, ça compte sur la côte basque. Les coques, ça cote pour te mater, gars. Oh.